Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Et un Super Fail spécial rugby aujourd'hui, parce que vous le savez probablement, notre équipe, l'équipe de France, enregistre de très mauvais résultats, mais aussi et surtout parce qu'au rugby, il y a de plus en plus de drames. Un nouveau décès d'un jeune joueur de rugby après un choc sur le terrain, le quatrième décès en quelques mois. Des joueurs amateurs, mais aussi des professionnels, victimes de chocs violents et de plaquages dévastateurs. C'est un plaquage cathédral. C'est normalement, c'est jeu dangereux. Le rugby est devenu un sport d'affrontement, avec de plus en plus de joueurs véloces, donc on a de plus en plus de commotions et on peut avoir de plus en plus de pathologies cervicales, probablement en rapport avec des plaquages qui sont de plus en plus hauts. À chaque fois, des chocs violents sont à l'origine de leurs blessures et hier, la fédération a donc annoncé une réforme des règles pour le championnat des moins de 22 ans. Avant tout, on doit être en mesure de se prémunir de certains risques. On ne pourra pas tous les éradiquer, mais en tout cas de s'en prémunir de la meilleure des manières, ça reste l'éducation, le renforcement, la capacité à respecter les règles, à respecter le jeu. J'ai eu des lettres de papa qui ont des fils professionnels et qui me disent, d'accord, qu'ils ont la boule au ventre chaque fois que le fils est sur la feuille de match. Sébastien Dalgalarondo, vous êtes sociologue au CNRS. Vous avez particulièrement travaillé sur ces drames qui sont de plus en plus fréquents dans le rugby. Mais tout d'abord, peut-être quelques mots auparavant en tant qu'amateur de rugby, puisque vous n'êtes pas seulement sociologue dans la vie. Vous arrive également de goûter les plaisirs du spectacle de rugby. Qu'est-ce qui se passe avec l'équipe de France ? Effectivement, je ne suis pas que sociologue, je suis aussi un amoureux du rugby. Alors c'est bien de le préciser avant, puisque si je suis quelque part alerté par ce qui se passe au rugby, je suis aussi alerté par les résultats de l'équipe de France en ce moment. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je pense que on est en train de constater quelque chose de plus général qui dépasse la seule technique et le seul problème des résultats, c'est l'amateurisme qui règne en fait dans ce sport, au niveau notamment des instances comme la Fédération Française de Rugby ou la Ligue Nationale de Rugby, c'est-à-dire des instances qui ont été incapables quelque part de se professionnaliser. Alors moi, je suis pas légitime pour parler de la technique, mais par contre, dans le domaine de la santé, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Oui. Et alors, juste amateurisme, est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que vous voulez dire qu'ils sont pas aussi sérieux qu'ils devraient l'être, Sébastien Dalgalarondo, ou bien est-ce que réellement il y a un problème parce qu'il n'y a pas assez de structure, de cadre, peut-être aussi d'argent pour... De l'argent, il y en a, c'est bien tout l'enjeu du professionnalisme, de l'argent, il y en a, mais après, le professionnalisme, c'est avant tout des organisations, c'est de mettre des personnes compétentes à des postes bien précis et de pas recruter comme ça par cooptation ou affinité. C'est ça l'amateurisme. Hein, bon, mais pourtant, Bernard Laporte, il était très compétent. On jugera à la fin de son mandat s'il a été vraiment compétent. Pour ce qui est de la santé, je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Et alors, sur le plan de la santé, donc, on a vu Sébastien Dalgalarondo qu'il y avait de plus en plus d'accidents graves, puisqu'il y a eu notamment un joueur de rugby, et cela a suscité beaucoup d'émotions, qui est mort suite à ses blessures infligées pendant un match. Comment expliquer la multiplication de ces blessures? C'est un sport violent, le rugby? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y en a pas qu'un, il y en a quatre. Il y a Nathan, 23 ans, Nicolas, 18 ans, Louis, 21 ans, Adrien, 17 ans. J'ai regardé leurs photos hier soir. C'était assez difficile. On se met à leur place, on se met à la place des parents. Perdre la vie sur le terrain, c'est quand même exceptionnel. Donc, est-ce que c'est un sport violent? Ben, ça n'a pas toujours été un sport aussi violent. Mais le rugby s'est professionnalisé à partir des années 90, la moitié des années 90. Et depuis, on assiste en fait à une véritable expérimentation physiologique sur les joueurs de rugby. Hein. On a véritablement changé la manière de jouer. On a sélectionné des corps. On a ajouté beaucoup de musculation. Donc on est venu vers un sport de collision, hein, de collision qui est très traumatique. Alors il y a exactement le même débat dans le foot américain. Mais tout d'abord, Sébastien Dalgalarondo, pour ceux qui n'ont pas vu un match de rugby ou qui connaissent mal ce sport, quels sont les moments où il y a des échanges violents aujourd'hui dans un match de rugby? Bon, c'est un sport relativement simple avec des règles très compliquées, mais l'idée c'est d'apporter le ballon derrière la ligne de l'adversaire. Donc l'adversaire, lorsque vous avez le ballon, doit vous plaquer, vous arrêter. Et il y a des règles qui régissent ce plaquage. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans un plaquage? C'est-à-dire le plaquage, il s'agit d'attraper les jambes de l'adversaire, enfin d'un membre de l'équipe adverse. Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises manières de plaquer? Bah, avant, on plaquait beaucoup aux jambes. Et avec le rugby moderne, on a plaqué de plus en plus haut, parce que quand on plaque haut, on empêche en plus le porteur du ballon de faire une passe, donc on bloque le jeu. Donc, mais le problème, c'est que ces plaquages hauts, avec les morphologies actuelles, entraînent des collisions très spectaculaires, hein. Surtout quand on plaque haut, en plus on prend le ballon, donc ça fait un effet rebond comme ça. Et ce qui est dangereux, enfin, si on parle des commotions par exemple, c'est justement la cinétique du cerveau dans le crâne, hein, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le cerveau bouge dans la boîte crânienne. On a le droit de faire n'importe quel plaquage haut dans le rugby? Il y a des règles, mais je dirais que oui, il n'y a pas grand-chose qui est interdit, si ce n'est qu'on n'a pas le droit de mettre des coups de tête, des coups de poing, des choses. C'est quand même très très, très régulé, mais la question n'est pas tellement de... Non, mais par exemple, quelqu'un comme Chabal, qui, je crois, Sébastien Chabal, qui s'est fait connaître par ses plaquages hauts et qui a quand même été très largement médiatisé pour cela, Sébastien Dalgalarando, on peut se demander dans quelle mesure les médias, qui ont aussi quand même contribué à sa popularité, n'ont pas une responsabilité dans cela. On va pas faire tout porter sur Chabal, bien sûr, mais c'est vrai que Chabal, il est caractéristique quelque part de cette rupture dans le rugby. C'est-à-dire, on est passé du rugby de mouvement et d'évitement à un rugby où on est allé affronter l'adversaire pour le détruire physiquement. On se rapproche là du combat de boxe, hein. Donc Chabal, il y a eu énormément de vidéos qui sont passées sur Internet où on voit des chocs provoqués par Chabal, où il cherche pas à passer entre deux personnes, mais il cherche à détruire son adversaire. Et donc là, on est vraiment dans le rugby moderne qui produit des phases hyper spectaculaires, et on commence à maintenant mesurer les effets de ce rugby-là. Vous avez parlé d'une évolution des physionomies, ça veut dire que les corps sont devenus beaucoup plus massifs au rugby aujourd'hui, Sébastien Dalgalarando? Dernière étude du BMJ, on est passé de 1950 à l'époque actuelle, on a pris 25% de masse musculaire en plus. Dans quel but? Uniquement dans le but de plaquer? Parce que des muscles, ça peut servir aussi, par exemple, à courir ou à lancer une balle très très loin. Bah, l'idée de la musculation, c'est bien sûr d'être supérieur à son adversaire en poids, mais c'est aussi d'être beaucoup plus explosif, c'est aussi de renforcer quelque part son corps face au choc. Mais le problème, c'est pas tellement d'augmenter la masse musculaire, c'est aussi la sélection des joueurs qui est devenue mondiale. Et donc maintenant, on a de plus en plus de joueurs qui font près de 2 mètres et qui pèsent 130 kilos. Donc on est vraiment face à des surhommes, des gens qu'on rencontre assez peu. Moi, quand j'ai commencé mon étude en 2009 dans 4 clubs professionnels français, alors que j'étais quand même quelqu'un qui connaissait pas très bien le rugby, j'avais fait toute ma jeunesse dans le rugby, mon frère était semi-pro, quand je suis rentré dans ces vestiaires, j'ai été choqué par les corps qui m'a été donné de voir, hein. C'est-à-dire, notamment, je me souviens d'un kinésithérapeute qui essayait de masser la cuisse d'un Fidjien, et j'avais l'impression que ses mains étaient ridicules par rapport au tour de cuisse. Mais est-ce que c'est pas la même chose dans tous les sports? Parce que si on prend l'évolution du foot, par exemple, il y a un moment où les joueurs de foot étaient quasiment bedonnants, et c'était pas des athlètes, et aujourd'hui, on voit que ce sont des athlètes complets avec un physique assez impressionnant. Est-ce que finalement ça n'est pas lié tout simplement aux enjeux de plus en plus importants dans le sport? À partir du moment où il y a de l'argent, où il y a une professionnalisation, il y a la quête du corps parfait. Le problème du rugby, et c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsque j'y suis rentré pour faire de mes études sociologiques en 2009, 2010, 2011, j'ai interrogé les staffs techniques qui prenaient en charge ces corps-là, hein, c'est-à-dire les kinés, les médecins, les entraîneurs, et ce qui m'avait choqué, c'était la conscience qu'ils avaient d'avancer vers un futur très incertain. Ils savaient pas ce que c'était que le corps moderne d'un rugbyman. Ils avaient l'impression d'être dans une phase exploratoire. Et ce qui m'avait aussi choqué, c'est qu'on était dans l'idée de produire des corps optimaux. Mais alors, pour tout ce qui était de la prévention de la santé, là, c'était encore très très faible. Voilà, bien entendu, c'est un mouvement qui est complètement irréversible, puisque sauf si à l'échelle internationale on décide de je ne sais quoi, on va pas pouvoir revenir sur des profils plus fluets. Ah oui, il y a plein de sports où on joue en catégorie de poids, par exemple. Au judo, vous n'allez pas affronter quelqu'un qui a 50 kilos de moins que vous. Donc ça, on appelle ça des catégories de poids. Donc on pourrait, alors là, c'est aux instances de voir, mais on pourrait imaginer qu'il y ait des morphotypes qui soient exclus de certaines compétitions. On pourrait imaginer une régulation du poids au niveau professionnel ou même amateur. Il y a plein de choses à faire, bien sûr, à penser. Alors, ces blessures, Sébastien Dalgalarondo, pour qu'on comprenne bien, elles sont infligées tout simplement parce que les types sont des véritables masses et ils se jettent de manière beaucoup plus forte, ils font des plaquages hauts. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des clubs ou des entraîneurs qui décident de ne pas faire sortir des joueurs. Alors, ça c'est un problème un des plus intéressants et là on pourrait y remédier. C'est le problème de la prise en charge des joueurs par des médecins. Des médecins qui sont payés par des clubs. Donc c'est de la médecine très spécifique, hein, c'est de la médecine de la performance. Et ces médecins, en même temps qu'ils sont là pour préparer les joueurs, sont aussi là, en principe, pour les protéger de lorsqu'ils sont blessés. Et là, quand vous êtes commotionné, un joueur commotionné, il sort du terrain, et tout ce qu'il a envie de faire, c'est de re-rentrer. Hein. C'est comme les boxeurs, ils n'ont jamais envie de s'arrêter. Et c'est au médecin, donc, de décider, de prendre la décision à sa place. Et là, à plusieurs reprises, on a vu des médecins qui ne jouaient pas ce rôle. Notamment dans les années en 2013, on a eu par exemple à Toulouse avec Monsieur Noves qui a été après entraîneur de l'équipe de France et qui avait devant les caméras fait pression auprès de son staff médical pour faire rentrer un joueur qui était manifestement commotionné, enfin très manifestement puisqu'il titubait. Et à la fin du match, alors qu'il était critiqué pour cette décision là, il avait juste signalé que lui aussi avait joué commotionné, qu'il était là, la preuve, il n'était pas mort. Donc je dis ça juste pour montrer combien le risque même est négligé par les professionnels. C'est-à-dire, Monsieur Noves se présente comme un entraîneur professionnel qui donc doit être quelque part en charge de la santé de ses joueurs. Et donc en fait, ce ne sont pas les médecins qui ont le dernier mot, ou alors ce sont des médecins qui ont en quelque sorte des prises de décision biaisées, Sébastien Dalgalarondo. Il suffit d'aller dans un club pour voir et de parler avec les médecins, et ils disent on, c'est-à-dire, ils font partie de l'équipe. Et c'est des médecins qui sont contents à la fin quand le match a été gagné, donc ils font partie de l'équipe. Donc je pense que là, pour la gestion des commotions par exemple, au niveau professionnel, il nous faudrait absolument des médecins indépendants qui sont là, payés par la Ligue, pour s'assurer que les joueurs ne rentrent pas sur le terrain commotionnés. Mais là où on est étonné, c'est qu'il y a quand même d'autres sports violents. Alors j'ai parlé du football américain, la comparaison est-elle valide, Sébastien Dalgalarondo, vous qui êtes chercheur au CNRS et qui travaillez sur ces questions? Plus que valide, et c'est même une référence que l'on tend à ignorer, étrangement, dans le monde du rugby. Donc, le football américain a tout le temps été considéré comme notre petit frère violent, hein, et pour la première fois dans le monde du sport spectacle, on a $1 milliard qui a été décidé en justice pour un dédommagement de tous ces joueurs professionnels qui sont victimes de commotions cérébrales. Alors, si là, quelque part, la peine est aussi importante et historique d'ailleurs, c'est parce qu'on a considéré que les instances, la NFL, avaient caché volontairement aux joueurs la dangerosité, les risques qu'ils prenaient en pratiquant ce sport. Mais c'est quand même très étonnant, parce que là, au football américain, ils sont carapassonnés, un casque, des coquilles, etc. Ça suffit pas? Non. Pour lutter contre les commotions cérébrales, il faut réduire la violence des collisions. Le casque, ça protège contre les traumatismes crâniens, mais pas du tout contre les commotions cérébrales. Alors ça, par exemple, je discutais encore la semaine dernière avec un entraîneur de Pro D2 qui ne le savait pas, par exemple. Il pensait que mettre des casques, c'était une des solutions. C'est-à-dire, il y a une méconnaissance totale à la fois du risque, de ce que c'est qu'une commotion, et surtout des conséquences à long terme de ces chocs répétés. C'est quoi une commotion? Une commotion, c'est un ébranlement du cerveau dans la boîte crânienne, c'est-à-dire que le cerveau baigne dans un liquide, et lorsqu'il y a un ébranlement suffisamment important, c'est-à-dire une vitesse suffisamment importante, il touche la boîte crânienne. Alors on avait une expression dans le rugby qui manifeste un petit peu la manière dont on appréciait les commotions avant, c'est-à-dire c'est le pâté qui touche le bocal. Donc voilà, on en parlait comme ça, où on s'est fait éteindre les lumières, voilà. Et ça, c'est dans le Gers. Non, c'était plus, mais localement, on peut dire qu'on utilisait ce genre d'expression, mais ça euphémisait quelque part quelque chose, et quelque part avoir une commotion, comme le dit Noves, c'est presque un titre de gloire. C'est-à-dire se faire éteindre les lumières, c'était une manière de dire, moi j'ai mis la tête là où toi tu mettrais pas le pied. sans avoir conscience de la dangerosité du tout. Mais alors, là où on est quand même un peu étonné, c'est qu'on se dit qu'il y a des sports, comme par exemple la boxe, où les commotions cérébrales, elles doivent être archi-traditionnelles, non ? Ah bah, la boxe, c'est le sport où on bat son adversaire par commotion cérébrale. Par chaos, souvent. Donc, évidemment, et donc c'est pour ça que dans les années 90, il y a beaucoup de médecins de la traumatologie du sport qui se sont, notamment en Angleterre, qui se sont mobilisés pour dire, mais ce sport-là ne peut pas être un sport. Hein. Sauf que dans la boxe, on sait les risques que l'on prend. Mais alors, du coup, est-ce que, par exemple, il y a beaucoup de morts parmi les boxeurs ? Non, mais il y a beaucoup de démences prématurées chez les boxeurs, on en connaît beaucoup, de maladies Parkinson, de maladies d'Alzheimer, bien avant tous les autres. Donc, ouais, puis et ça, on pense personne... que c'est lié aux commotions cérébrales et pas seulement aux différents produits qu'ils peuvent ingérer, aux produits dopants, je pense. Ouais, c'est très intéressant. Toute cette épidémiologie qui restera à faire, notamment sur les joueurs de rugby, et qui commence à être faite sur les joueurs de football américain, ça passe inaperçu, une maladie d'Alzheimer qui arrive 10 ans avant. Voilà, on oublie les joueurs, ils sont oubliés par la presse, par les médias, par cette grande famille du rugby. Il n'y a pas d'épidémiologie, donc tout ça va passer à l'as. Puis quand quelqu'un qui est commotionné, par exemple, a des symptômes ensuite très très douloureux, enfin très, très handicapant quotidiennement, ça peut être des acouphènes, une hypersensibilité à la lumière, au bruit, donc des difficultés à garder ses enfants, ça peut être une perte d'attention, des petits vertiges, autant de petits symptômes qui passent inaperçus, mais qui pourrissent la vie, qui peuvent entraîner une dépression, qui peuvent entraîner de l'alcoolisme. Et là, après, on pourra toujours dire, vous savez, c'est difficile d'arrêter le sport professionnel, donc on est devenu dépressif parce qu'on a arrêté le sport professionnel. Donc voilà, faire le lien sera très difficile, et pourtant, le lien commence à être fait. Dernière question, Sébastien Dalgalarondo, pour faire le lien avec ce que l'on évoquait au départ, c'est-à-dire les mauvais résultats de l'équipe de France de rugby, parce que on a attribué aussi ces mauvais résultats au fait que les Français avaient perdu leur style de jeu. Avant, c'était un jeu où la course était particulièrement importante. Et avec l'apparition de physiques qui sont des physiques beaucoup plus massives, le corollaire, c'est que on a perdu le French flair et donc on n'arrive pas du tout à être aussi fort qu'auparavant. Ouais, écoutez, le French flair, on va peut-être le retrouver, je l'espère. On a puisqu'on parle rugby maintenant, on a Ntamack, un jeune qui a un gabarit tout à fait respectable, mais qui est pas du tout un colosse et qui est plutôt pétri de rugby. Je pense qu'il suffit de regarder les All Blacks pour voir que cette course à l'armement physiologique n'est peut-être pas la solution déjà pour gagner. Donc oui, évidemment, on va peut-être retrouver le French flair. Il y a des solutions pour tenter donc de remédier à cette multiplication des maladies graves, par exemple faire en sorte que le médecin soit un médecin arbitre, qui soit extérieur aux équipes. Il y a des solutions, mais il y a surtout la nécessité que les instances responsables de ce sport, c'est-à-dire la Fédération française de rugby, la Ligue nationale de rugby, et j'y mettrai aussi le ministère du sport, qui n'a pour l'instant rien fait dans ce domaine-là, prennent conscience nous sommes là non pas devant des cas, une sorte de fatalité, mais on est au début d'un problème de santé publique. Merci beaucoup Sébastien Dalgalarondo, je rappelle que vous êtes sociologue au CNRS. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par José Bernays à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation avec des aides rugbystiques. Rugby... comment dit-on, Sébastien Dalgalarondo ? Rugbystique. Rugbystique, et ben voilà, c'était ça. De Roman Bornstein.